Bonjour, bonjour à ceux qui se sont joints à nous. On est très contents de vous accueillir. Bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir. J'ai eu l'idée, en fait, en écoutant Ron Fournier pour une des premières fois de ma vie, il y a quelques semaines de ça, et je trouvais que c'était un communicateur fabuleux. Et je me suis dit, tiens, toi aussi, Alexis, t'es un communicateur fabuleux. Donc, pourquoi ne ferais-tu pas quelque chose pour partager ta passion? Et pourquoi ne pas laisser les gens sur les médias sociaux, sur Internet, communiquer avec toi pour te poser des questions et comme ça, tu pourrais partager ton immense savoir ou peut-être failer et montrer comment tu n'es pas si hot que ça. Avec moi, j'ai de ce côté-là, non, de l'autre bord. Non, moi, je suis l'autre bord. Donc, on a Vincent avec nous et Jean-François Roy. Yes. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Donc, comme je le disais, bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir. Et on va prendre les questions des gens. On a déjà fait un espèce de setup. On est allé voir un peu partout sur la page Facebook, la page Twitter, en fait le feed Twitter et les emails qu'on a reçus pendant la semaine. Et on a fait un petit document là, pour répondre à certaines questions qu'on a eues cette semaine. Donc, on va commencer tout de suite avec la première question du document. Est-ce que vous avez le document ouvert, les gars? Oui. Oui, j'ai le document ouvert. Excellent. En fait, la première question qu'on a reçue nous vient de Stéphanie Raymond, qui nous demandait comment rendre un disque dur externe compatible PC et Mac. Vincent, t'avais quelques trucs à propos de ça que tu voulais dire? Moi, c'était plus côté clé USB. Ah, OK. Oui, j'en parlerai après. Excellent. Ouais. Ben, d'abord, la première chose qu'il y a à dire, c'est que en gros, là, il y a trois types de formatage de disque dur qui existent. Il va avoir le très vénérable FAT32. Il va avoir le NTFS, qui est celui qui est utilisé sur du côté PC depuis quelques temps quand même, depuis Windows XP quand même. Et du côté de Apple, c'est un format qui s'appelle le HFS+. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un disque dur qui serait formaté en HFS Plus ne serait pas lisible du côté PC. Donc, si on formate un disque dur pour le Mac, ça ne fonctionnera pas du côté PC. Si on le formate en NTFS, ce qu'on peut faire, si je ne me trompe pas, uniquement à partir d'un ordinateur PC, ce disque dur-là va être lisible sur un Mac, mais le Mac ne pourra pas rajouter des données dessus. Donc, si quelqu'un PC veut vous donner sa grosse bibliothèque iTunes, le NTFS va être correct, mais comment ça s'appelle? Le HFS Plus ne sera pas correct, mais si vous voulez donner votre bibliothèque, ce que je voulais dire, c'est ça, sur le NTFS, ça ne fonctionnera pas. Donc, il vous faut formater le disque dur en FAT32, mais ça engendre certaines problématiques. Vous pouvez formater le disque dur avec Disk Utilities sur le Mac. Et le mettre, en fait, ça ne va pas s'appeler FAT32, ça va s'appeler MS-DOS. Et ça va engendrer certains problèmes. Le premier problème, c'est que ce n'est pas très performant du FAT32. Ça peut engendrer certains problèmes. Et le deuxième problème, c'est que si vous avez un fichier plus gros que 4 gigs, mettons, un film... On va dire un film légal, ouais, c'est 1080p. Ça. Ouais, ripé à partir d'un Blu-ray, mais légalement. Je ne sais pas comment ça se peut. À ce moment-là, le fichier ne pourrait pas dépasser le 4 gigs. Donc, vous ne pourriez pas le mettre. Mais vous pouvez avoir un disque dur en FAT32 de 250 gigs rempli de MP3 de 3 MB chacun. Donc, ça fait un petit peu le tour. Donc, évidemment, c'est FAT32 qu'on va utiliser pour que ce soit compatible Mac et PC. L'autre solution qui existerait, ce serait de le formater en NTFS. J'ai dit un peu plus tôt que c'était lisible par le Mac, mais c'est écrivable dans la mesure où on installe un pilote qui est capable de le faire. Donc, Paragon NTFS, c'est un logiciel qu'on peut trouver qui n'est pas trop dispendieux et qui vous permettrait, à partir d'un Mac, d'inscrire des données sur un disque NTFS. Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être, les gars? Pour le XFAT, qui est Extend File Allocation Table. Dans le fond, c'est une extension qui est utilisée sur Mac maintenant avec les nouvelles, je pense à partir de Snow Leopard. Mais sur Windows, faites attention parce que ça fonctionne même pas sur Vista, je crois. Donc, ça fonctionne juste sur Windows 7. Il s'est fait installer à partir de Windows XP à peu près. C'est à peu près vers 2009 que Windows XP a sorti le fichier qui supportait le XFAT. Fonctionne dans un service pack? Ouais, il fonctionne okay. Avec XP, Vista et avec Windows 7. Il est implémenté dans Windows 7 par défaut. Ok, bon, je l'avais essayé sur un Windows Vista, ça n'avait pas marché, mais je vérifierai, peut-être que j'ai eu un problème technique. Les gars, on a une question en ligne de Homer Simpson. Je mets ça en ligne et puis va falloir répondre à ça. Donc, notre ami Homer Simpson nous demande, est-ce qu'il y aurait une bonne alternative à Siri pour les plus vieux iPhones que le 4S? Il y en avait une, il n'y en a plus, parce que le shell qu'Apple ont acheté pour faire Siri, ils l'ont enlevé du App Store et l'application se terminait, je crois, le 16 octobre. 15. Je pense que le 15 octobre. Alors, non, il n'y a pas vraiment quelque chose qui ressemble à Siri pour l'instant pour iPod Touch, iPhone, iPad 1 et 2. Mais aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les gars. Il y a quelqu'un qui va, à part le dev team, il y a une autre personne qui est en train de travailler sur Siri pour iPhone 4, les iPods, toutes les dernières générations, tout ce qui peut rouler. iOS 5 maintenant, dans un futur assez rapproché, je pense, on va pouvoir installer Siri et ça fonctionne comme si, mettons, vous aviez un iPhone 4S. Là, c'est, comme par magie. Comme par magie, merci. Je veux pas nécessairement péter votre bulle, mais je parlais tout juste avant le show à Dean. Et effectivement, en fait, les hackers sont en train de prendre tous les modules du iPhone 4S pour les transporter dans les autres appareils. Le problème, c'est que Siri, pour fonctionner, a besoin d'éléments de l'autre côté. C'est surtout serveur que ça se fait. Et il semblerait qu'il y ait une authentification qui soit faite avec un numéro unique sur les appareils. C'est ce qu'on m'aurait dit. Mais ça veut dire que même si on est capable de tout mettre Siri sur un appareil iPhone 4, l'appareil ne serait pas en mesure de s'authentifier sur les serveurs. Donc, est-ce qu'il va avoir peut-être... Un peu comme World of Warcraft, il y a des serveurs alternatifs qui existent. Peut-être qu'il y aurait quelque chose d'équivalent pour faire fonctionner Siri. Mais si Apple s'est payé un data center de 1 milliard de dollars en Caroline du Nord, en grosse partie probablement pour faire fonctionner ça, il y a fort à parier que la gang de hackers qui ont des serveurs ailleurs ne serait pas capable de faire la même chose. Mais ça risque d'être à voir. Sinon, en fait, en termes de palliatif à Siri, ben c'est sûr que c'est son intelligence artificielle qui est exceptionnelle à Siri, mais si tu veux donner des commandes vocales à ton téléphone, il y a déjà quelque chose d'implémenté. Tu peux démarrer de la musique, lui demander de téléphoner à tes contacts, tout ça. De la même manière que Siri fonctionne, c'est-à-dire en appuyant sur le bouton, là, tu as un écran bleu qui va apparaître et dans le fond de l'écran bleu sur ton iPhone, tu vas avoir les commandes que tu peux lui donner. C'est sûr qu'il ne va pas te répondre avec l'attitude qu'ils ont mis dans Siri. Il va pas répondre en conséquence de ce que tu lui as dit. C'est vraiment une commande vocale de première génération, si on veut, que tu vas lui donner. Sinon, il y a des applications sur le App Store comme Dragon Search, Dragon Go, Dragon un peu, là, je l'ai dit. Vérifie ça. Donc, ces logiciels-là te permettent de voir, de parler à ton téléphone, et ton téléphone va transformer ta parole en texte. Donc, ouais, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. En plus, Dragon, côté ça fait plusieurs années qu'ils sont là-dedans. Ils font des logiciels excellents pour des personnes à mobilité réduite aussi, des non-voyants. Donc, c'est beaucoup plus facile maintenant, la vie. Je suis sûr que si on demanderait à des personnes qui utilisent ce logiciel-là, la plupart diraient probablement que ça prend beaucoup de temps à préparer au début parce que je sais qu'il y a beaucoup de phrases à dire. Par contre, une fois installé, je l'ai essayé, puis lire du texte, écrire un texte des fois, j'écrivais, puis je parlais un texte à l'école au secondaire là, il y a 2 ans, puis ça fonctionnait très bien. Je faisais des petites corrections à la fin, mais j'utilisais Antidote, puis ça fonctionnait comme un gant. Comme un charme. Comme un charme. C'est Dragon Dictation, c'est ça? Tu l'as mentionné tantôt, Alexis? Oui, j'ai dit. Ben, il y a Dragon Go, Dragon Dictation, il y en a trois. Il faut dire que Nuance, la compagnie à qui appartient Dragon, c'est eux autres qui sont en arrière de l'application, pas de l'application Siri, mais en arrière de la reconnaissance vocale qu'il y a dans Siri. Et c'était ça avant même que Apple achète le logiciel. Quand ils l'ont fermé, moi, là, quand je suis allé attendre en ligne, il y a un gars qui est venu nous voir, son application si achetée sur le App Store fonctionnait encore, et il m'a montré que ça fonctionnait très bien. D'ailleurs, je sais pas, pour l'avoir testé, là, ça fonctionne beaucoup mieux en anglais, Siri, qu'en français. C'est beaucoup plus difficile de se faire comprendre parce qu'on n'a pas nécessairement l'accent. Pour les gens qui viennent de se joindre à nous, juste ici en bas, vous avez le module de chat et vous avez 3 petites icônes. Le deuxième icône, c'est une ampoule, et là-dedans, vous pouvez faire vous pouvez nous envoyer vos questions, soit en texte qu'on va afficher à l'écran, ou soit carrément en vidéo. Vous allez vous joindre à nous pour poser votre question, et là, on va pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu nous montres, Vincent? Non, j'essayais d'utiliser mon reflet dans l'iPhone pour montrer les 3 icônes. Mais oh! Pas. Attends, je vais essayer avec j'ai un prototype ici. Peut-être que ça peut intéresser les gens. J'ai un prototype de iPad 3 avec moi. Donc, attendez un petit instant. Oh, ça! C'est quoi ça? Est-ce qu'on le voit bien à l'écran? Moi, on le voit assez bien, oui. C'est dur de le manquer. Là. Je l'ai trouvé sur un stool de bar. Je suis allé prendre une bière avant d'acheter mon iPhone 4S. Puis ça traînait là. Il est vraiment cool. Je peux pas vous montrer l'écran parce que je l'ai essayé. Vous seriez éblouis. Là, mais si je le retourne de bar, écoute, c'est assez Retina display dans le tapis. C'est vraiment cool. Je joue avec ça. Puis bon... Depuis quelques jours, j'ai ça dans ma cave. J'ai peur qu'Apple m'appelle et vienne me le réclamer. Ouais, je sais pas, hein? Ouais, vraiment. Ça doit être pesant, hein? Un petit peu. Il est un petit peu lourd, mais la batterie dure à peu près 8 ans. Ah! Une fois chargé, c'est vraiment chouette. Ouais, une fois chargé, combien de temps ça prend? À peu près 3 jours. Ah, moi, c'est bien. Donc, on m'envoie... Il y a Kim qui nous envoie une question dans le chat, si un de vous deux pouvait la lire. Moi, je vais juste continuer notre série de questions qu'on avait tout à l'heure. Encore une fois, on a une question sur notre plateforme de Stéphanie Raymond qui nous demande s'il existe des disques durs externes Thunderbolt. En faisant une petite recherche, en fait, sur le site de Apple, on se rend compte qu'il y a 2 compagnies pour l'instant qui offrent des disques Thunderbolt, soit LACIE, donc LACIE, qui offre le petit... C'est un disque dur RAID, donc c'est 2 disques durs dans un petit boîtier portable, mais ce sont des disques durs portables. Donc, le boîtier est excessivement petit, les disques sont montés en RAID dans le boîtier, et c'est en Thunderbolt. Donc, pour les gens qui font de l'édition vidéo, qui se promènent, tout ça, ça va être un très bon disque dur pour ces gens-là. Et il y a aussi la gamme Promise Pegasus qui est disponible sur le App Store, mais probablement sur le Apple Store, mais qui est probablement disponible aussi en magasin. Et ce sont des boîtiers plus costauds, là, des boîtiers RAID avec beaucoup d'espace disque, tout ça. Et il ne faut pas oublier aussi de rajouter, parce que quand on achète un disque dur Thunderbolt, pour l'instant, c'est Apple qui peut vous vendre le câble. Les disques durs Thunderbolt ne viennent pas avec un câble Thunderbolt. Donc, il faut absolument rajouter $50 à votre achat pour acheter le dit câble Thunderbolt, qui est un câble spécial. On avait vu là, un petit peu sur Internet qu'il y avait une chip, il y avait de l'électronique dans le câble en tant que tel. Et faut noter aussi que l'adoption de Thunderbolt se fait un petit peu attendre. Il y a Acer et Asus qui ont dit vouloir l'adopter, mais je pense qu'il n'y a pas d'ordinateur encore qui l'ont. Et il y a Sony qui va avoir une technologie semblable à Thunderbolt, mais qui ne sera pas tout à fait la même chose. Donc, les périphériques ne seraient pas compatibles de l'un à l'autre. Donc, eux vont probablement vouloir faire leur propre périphérique. On a une question sur Twitter et sur le chat de Vocal. On va y aller avec la question de Kim, la question de Germain. C'est Jocelyne Germain. Oui. La question, c'est la suivante. Je n'arrive plus à synchroniser mon iPad vers iOS 5. L'ordi ne le détecte pas. C'est OK, c'est peut-être... Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire que l'ordi ne le détecte pas, mais... Ouais. On n'a pas beaucoup d'informations. Pas beaucoup de détails. Si tu pourrais nous en mettre un petit peu plus, qu'est-ce qu'il fait? Êtes-vous sur un PC? Êtes-vous sur un Mac? Parce qu'on peut répondre aux deux aussi. Là, si c'est sur les plateformes iOS, c'est tout pareil. La plupart du temps, ce genre de problème-là, ça va être parce que bon, iOS 5 est sorti en même temps que iTunes. Donc, j'aurais peut-être tendance à dire peut-être que vous n'avez pas fait la mise à jour de iTunes, mais je ne suis pas sûr qu'iTunes aurait voulu mettre à jour le périphérique si tu n'avais pas 10.5. Effectivement, il nous manque des détails, mais si elle nous revient avec ça, on va essayer de trouver. Il y a une chose aussi. Si elle n'est pas capable de synchroniser son iPad parce qu'elle a déjà iOS 5, c'est probablement justement parce que iTunes n'est pas mise à jour. Par contre, si il demande une mise à jour et elle n'est pas capable de la faire, là je sais pas. Il faudrait avoir plus d'informations dans ce côté. Donc, la première chose qu'il faut checker, c'est au moins la version de la version de iTunes, quelle version que vous disposez. Si c'est 10.4, je sais pas par quoi ça finit la dernière avant 10.5. Puis au moins ça prend 10.5 pour mettre iOS 5 sur tous les périphériques iOS disponibles pour l'instant. Donc elle peut venir nous rejoindre ici. Et puis on va essayer peut-être de lui poser des questions en mode vidéo, en mode texte ou via le chat. Ça pourrait pas mal nous aider. Sinon, pour ceux qui se sont joints à nous ou qui sont tout récents, ici en bas, vous avez trois petites icônes, un petit carré, une petite ampoule et trois petits personnages. Vous pouvez poser des questions dans le module de la petite ampoule, soit des questions audio ou des questions vidéo. On vous invite à le faire. Est-ce que tu veux prendre une autre question du document? Oui, on va aller avec une question du document. Celle que tu as posée dans le chat interne. Oui, c'est ça. Donc, la synchro entre iPad et iTunes, est-ce qu'elle influence la vitesse globale de mon réseau Wi-Fi? C'est une bonne question, en fait. C'est que... vas-y, Jeff. Ça dépend de quelle sorte de routeur que vous disposez. Si vous avez un routeur qui fait du G et non du N... c'est sûr que la lenteur aussi va avoir une différence entre les deux, tout dépendant qu'est-ce que vous faites sur votre réseau présentement. Si vous transférez des fichiers entre ordinateurs et que vous synchronisez, j'ai une time capsule ici et des fois quand je fais mon Wi-Fi sync sur mon iPhone, puis je fais rien, même des fois c'est un peu lent, tout dépendant de la grosseur de fichiers que je mets dans mon téléphone ou vice versa là. Tout dépendant aussi des ondes qu'il y a alentour de vous. Fait que ça peut être bien des choses. Ça peut être. Il y a aussi. Moi, j'utilise le AirPort Extreme. En fait, pour régler un problème, moi, je suis dans un condo en ce moment, puis on est plusieurs alentour de moi. J'imagine que tout le monde a un routeur, puis fonctionne probablement tous sur le 2,4 GHz, la fréquence. Un conseil, le iPad puis votre ordinateur, ou bon, votre ordinateur peut-être pas, là, ça dépend. Si vous avez un Mac, normalement, oui, s'il est récent, fonctionne avec le 5 GHz. Mettez-le dessus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent cette fréquence-là. Donc, peut-être que justement, vous êtes beaucoup utilisé la même fréquence, il y a beaucoup de routeurs et de services sans fil alentour de vous. Donc, c'est peut-être ça qui perturbe un peu. Donc, moi, ce que je fais, mon Mac puis mon iPad est sur la fréquence 5 GHz. Mon iPhone est sur 2,4. Ça fonctionne très bien. Moi, j'ai jamais eu de problème de lenteur là, jusqu'à présent. Excellent. Messieurs, il semble que bon, la personne, Joss Germain, qui était là pour savoir pourquoi son iPhone, son iPad ne se synchronisait plus avec iOS 5, soit en ligne. Joss, okay. Si tu nous entends, si tu pouvais te créer un compte vocal, ce qui te permettrait de participer au podcast, et donc soit de pouvoir nous écrire au moins dans le chat, répondre à certaines de nos questions, ou bien carrément venir en vidéo avec nous. On pourrait mieux essayer de diagnostiquer, on essaierait de trouver ton problème. Ou elle peut envoyer une question sur Twitter, on va y répondre. Oui, aussi, mais c'est plus long au niveau de la réponse. On a une question qui date d'environ 2-3 heures sur Facebook qu'on a eue de Émilie Caron. Et en fait, j'ai eu le même problème, donc je me suis senti interpellé par sa question. D'ailleurs, j'avais fait un déballage du iPhone la semaine passée quand je l'ai eu vers midi. Et puis, j'avais dit que Siri n'était pas disponible au Canada et c'est faux, je me suis fourvoyé. Il faut l'activer dans le téléphone dans un premier temps. Donc, il faut aller sous la rubrique « Réglages général » et là, il y a un nouveau menu qui s'appelle « Siri ». Et à l'intérieur de ça, en fait, vous allez pouvoir configurer la langue d'abord. Là. Vous pouvez le mettre en français, en anglais, en anglais australien ou en anglais de Grande-Bretagne. C'est vraiment des accents spéciaux, donc je ne vous le suggère pas au niveau. Juste pour l'essayer, là, ça risque d'être compliqué. Mais il faut d'abord donc l'activer et ensuite de ça, tenir le bouton enfoncé. Puis Siri va apparaître là, dans le bas de votre appareil. On a fait des petits tests cette semaine, on a bien ri. Oui, avec Siri, oui, effectivement, c'était très drôle. Oui, c'est vraiment bon ce qu'elle dit. Donc, on a eu une question sur le chat de Vocal. Salut les gars. Question sur Lyon. Depuis que j'ai installé mon MacBook Pro semble plus lent. J'ai un MacBook Pro Core i7 13 pouces 2011. J'upgrade de 4 GB de RAM à 8 GB cette semaine. Ça devrait régler le problème, point d'interrogation. Pas nécessairement. Tu as déjà un Core i7 dedans. Tu as déjà 4 GB de RAM. Apple suggère au minimum 2 et plus, mais 4 gigs. Ton problème, est-ce que tu avais Snow Leopard dessus et t'as passé à Lyon par la suite ou Lyon venait installer par défaut? Depuis que j'ai installé François Harvey. Pro, sans plus. Donc... Puis dans le fond, moi, j'ai un peu les mêmes problèmes. Ok, c'est ça. Là, okay. Moi aussi, j'ai eu ce problème-là sur le mien. Parce que quand tu fais la mise à jour de Snow Leopard à Lyon, il garde toutes les préférences du système, de l'ancienne version du système au nouveau, à nouvelle version. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fait une sauvegarde de Time Machine au complet de ma machine. J'ai tout effacé. J'ai tout reformaté mon disque. J'ai installé Lyon avec toutes les mises à jour qui venaient avec. J'ai repris mon backup, mais sans prendre le dossier... Attendez un peu. Bibliothèque. Comment? Le dossier bibliothèque. Ouais, le dossier bibliothèque utilisateur, tout est là-dedans. Fait que moi, je ne l'ai pas pris. Fait que je suis reparti à neuf complètement. J'ai refait tous mes settings pour être dans Lyon. Fait que ça a réglé mon problème. Fait que je sais pas si tu voudrais faire ça ou faudrait que tu checkes dans tes settings de logiciel. En même temps, ça dépend de ce que tu fais avec ton Mac. Moi, par exemple, je développe, je suis un développeur. Au départ, je développais pas beaucoup, j'apprenais. Mon MacBook Pro 13 pouces, je m'en rappelle même plus c'est quoi le processeur dedans, mais j'ai 4 gigs de mémoire vive. Puis au début, ça fonctionnait très, très bien. J'avais Snow Leopard, là, évidemment, il y a l'année passée. Puis ça fonctionnait très, très bien. Par contre, j'ai commencé à utiliser des utilitaires puissants. Xcode, je l'utilise pas juste parfois, je l'utilise tout le temps. Puis j'ai des fenêtres de pages web qui sont ouvertes. J'ai beaucoup, beaucoup de choses ouvertes. Donc, ça dépend aussi ce que tu fais des fois. Moi, j'ai des problèmes avec Lyon. Ça commence à m'énerver un peu, là. Des pleins écrans qui restent coincés dans Safari, ces choses-là. Des problèmes de mémoire, des fois l'écran se ferme automatiquement. Ça commence un peu, là. C'est la première fois que j'ai autant de problèmes avec un système d'exploitation. Okay. Ouais. Mais, en tout cas, moi, je vous conseille de, si jamais ça fonctionne pas très bien encore, faites un refresh complet. Si vous avez. Une réinstallation complète. C'est ça. Vraiment tout cleaner. Puis recommencer peut-être à zéro, mais en allant chercher dans vos backups l'information. Je sais pas, des documents, vous prenez le dossier document, vous le copiez dans le nouveau dossier document. Donc, les préférences, comme Jeff le parlait, il y en a pas. Ça va être vos nouvelles préférences. Donc, ça aussi, c'est essayer, là, si jamais vous voulez recommencer puis partir une machine. Peut-être une dernière question qu'on pourrait poser à M. Harvey, c'est est-ce que avant Lion, avant Snow Leopard, c'est-à-dire, tu étais sur Léopard, est-ce que ça fait deux systèmes d'exploitation que tu mets à jour ou tu étais que sur Snow Leopard et après ça, tu es passé sur... Non, il ne peut pas parce qu'il y a eu un MacBook Pro i7 2011. Ah, tu as raison. Oui, c'est vrai. C'est un i7. Mm. Donc, il était sur Snow Leopard, il a mis à jour. Peut-être, écoute, souvent, là, réparation des permissions avec le Disk Utilities, ça peut peut-être aider. Cocktail aussi. Cocktail, oui, passer Cocktail pour... différents scripts de maintenance, ça peut peut-être donner un coup de main. Donc tu vas trouver en fait la réparation des permissions, tu fais ça avec l'utilitaire disque qui se trouve dans le dossier utilitaire et tu sélectionnes ta partition et non pas le disque, tu sélectionnes ta partition et dans SOS tu as en bas le petit bouton là, réparer les permissions. Pas besoin de faire vérifier avant. Il va te dire qu'ils sont pas bonnes, puis après ça, tu vas faire réparer. Fait que fais réparer tout de suite, il n'y a pas de problème avec ça. Ouais, c'est ça. On a une autre question, Jeff? Oui, on a la question de Carl Gaudreau. Peut-on synchroniser le iPhone sur iTunes avec Bluetooth? La réponse, c'est non. La seule chose qu'on peut faire, c'est par Wi-Fi ou passer par le câble USB. Le Bluetooth n'est pas activé par défaut sur les iPhones, les iPod Touch. Ça sert juste pour les oreillettes Bluetooth et certains claviers, certains périphériques qu'on peut mettre dessus. Mais vous ne pourrez jamais synchroniser par Bluetooth. C'est même pire que ça. Hein? Tu peux absolument pas, pour une raison ou une autre, sauf pour l'utilisation modem, je crois. Donc, tu fais un peu... Ben, attends, dans les USB? Ouais, le tethering, avant que ça devienne personal hotspot. Avant que ça devienne personal... Ben, minute, ça, c'est votre question. Moi, y répondre, j'ai la réponse à ça. Je vais vous le faire réapparaître. Donc, avant que ça devienne personal hotspot, c'était du tethering, et on était en mesure de à ce moment-là... connecter l'ordinateur et le téléphone pour l'utiliser comme modem avec le Bluetooth. Mais sinon, tu essaies de configurer ton iPhone en Bluetooth, il apparaît, puis il veut absolument pas le prendre. Vous autres, votre personal hotspot a disparu? Non, oui. Moi, je l'ai fait réapparaître. Moi. Toi, tu l'as fait réapparaître? Toi, le tien a disparu, Vincent? Oui, moi, il a disparu. Je vais te faire réapparaître ça. Tu t'en vas dans Réglages? Non, tout de suite. En direct. Ouais. J'ai eu le même problème. Beaucoup de monde ont eu le même problème. Ah oui. Okay. Général, oui. Tout en bas, tu as réinitialisé. Oui. Réinitialiser les paramètres réseau. OK. Bon, là, j'ai une belle pomme avec un beau... Ouais, c'est normal. Il va rebooter, puis dans quelques secondes, tu vas nous dire merci aux amateurs de Mac, bonsoir. Hey, parce que live, on vient de régler ton problème. Sur le fly de même. On est trop fort. Trop fort. Hey, c'est fou. Ah, mais tantôt, c'est parce que j'étais dans un café Morgan à Trois-Rivières, puis j'étais pris, Internet fonctionnait pas. Il y avait juste Internet du café, puis c'était payant, puis je voulais utiliser mon téléphone, mais ça marchait pas. J'étais fâché, là. Mais tu viens de faire ma journée, ma soirée. Ben, attends, on va voir si ça revient. si ça marche, ça va être... It's unbelievable. Ouais, merci Steve. Merci Steve. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? As-tu fonctionné la belle voix électronique? Oui, j'ai préparé quelque chose pour le podcast. J'aurais dû le mettre au début. Voulez-vous l'écouter? Voulez-vous... Yes. Oui, d'accord. Ouais. Donc, c'est Félix qui nous parle. Bienvenue au podcast Mac Québec. Je suis Félix, une voix artificielle. Les créateurs de ce show n'ont aucun budget et ont décidé de m'exploiter. Un jour, nous, ordinateurs, nous rebellerons et vous utiliserons pour générer notre électricité. D'ici là, bon podcast, pendant qu'il est encore temps. Ça risque d'être l'intro du prochain podcast. Probablement. On a une question en ligne, donc je vous la passe, merci. Fido m'offre un rehaussement de mon iPhone 4 vers 4S. Pensez-vous que cela vaut la peine pour 300$? D'abord, Louis, ce que je pense, c'est qu'il te charge 300$ avant que tu payes le prix du téléphone. Donc, ce ne serait pas 300, ce serait 300 plus le prix du téléphone que tu choisis. Parce que si c'est 300$, tu le prends, tu te pousses bien, bien vite. Puis, tu ne rappelles plus jamais pour du service avant qu'ils se rendent compte de quelque chose. Ouais. Parce que, et en non, plus, c'est... Oui. Ils chargent 35$ de frais. Oui. Et ça recommence ton contrat au complet. Oui. Fait que, alors, t'es pogné pour 3 ans encore. C'est ça. Et ce qui est pernicieux dans ça, c'est que ils te chargent un prix pour rehaussement rapide. OK? Et. Une fois que tu as payé ce prix-là, ben, tu as droit d'acheter le téléphone au prix le plus bas. Et il recommence ton contrat exactement comme tu viens de le dire. Ce qui est pernicieux là-dedans, c'est que la loi a changé l'année passée au niveau de la gestion des contrats pour les téléphones cellulaires. Et ce que la loi a dit, c'est que si tu veux sacrer ton camp de ton contrat, ils n'ont pas le droit de te charger plus que le prorata au nombre de mois que tu as utilisé. Comment ça s'appelle? Bon, ils te vendent un téléphone moins cher. OK? Mettons, le téléphone est 399 au lieu d'être 849. Donc, tu as eu un rabais là, vite de 550$, 550$. Donc, tu as un contrat de 3 ans. Divise ce 550$-là par 36, le nombre de mois de ton contrat, et normalement, pour quitter ton contrat, mettons après un an, ben tu vas calculer 24 portions de ce 36, de ce tout de 36 mois-là. Donc, ça ferait un calcul de 550 divisé par 36 fois 24. Mmh. Ça, c'est le montant maximum qu'ils ont le droit de te charger pour partir. Ce qui est pernicieux, c'est que l'année passée, Rogers avait fait un deal spécial entre le prix le plus bas puis le prix le plus haut du iPhone. Fait qu'à ce moment-là, il te chargeait 549$ pour le téléphone, puis il recommençait, mais c'était le prix que tu avais payé pour le téléphone. C'était pas comme un frais de rehaussement rapide et le prix du téléphone. Ce qui fait que la somme que j'ai économisée, moi, sur le téléphone, elle est plus petite, donc les paiements que j'aurais à faire pour sortir de mon contrat seraient plus petits aussi. Fait que de cette façon-là, ils ont contourné la loi en tant que telle. Oui, c'est ça. Moi, cette année, j'ai pas changé mon téléphone. J'ai gardé mon iPhone 4 parce que moi aussi, moi, il me chargeait 340$ plus 35$ plus le prix du téléphone. Fait que j'ai dit qu'il mange la main. Alors, je dis l'année prochaine, ce que je vais faire, je vais attendre au prochain iPhone, je vais canceller complètement mon contrat et je vais faire comme Alexis, je vais aller me mettre devant l'Apple Store. J'étais supposé d'y aller, je vais aller mettre devant et je vais acheter le téléphone au plein prix. C'était awesome, hein? Sérieusement, là, c'est vraiment cool. Aller passer la nuit là-bas, rencontrer du monde qui trippe comme toi, des tripeux. Tu sais, si tu vas faire la file pour un show de YouTube, ben c'est du monde qui trippe sur YouTube, fait qu'ils ont déjà un point commun avec toi. Mais là, tu te retrouves devant ça, puis tu parles avec plein de monde. Donc, moi, je trouve ça... Ouais, on parle la même langue. Exactement. J'étais allé au iPad 2 au mois de mars. Oui, 25 mars. C'était mon premier événement aussi d'Apple. C'était malade, là. J'ai adoré. J'étais allé à 4h le matin, moi, j'étais à Montréal, puis j'étais à Trois-Rivières en ce moment. Mm-hmm. Mais j'ai adoré ça. À 5 heures, par contre, c'était l'après-midi, là, à 5 heures. Mais j'aimais ça. C'était toute la journée au lieu d'être toute la nuit, mais c'était fun. Voilà. C'est comme Alexis, quand il était, ils ont même donné des parapluies à Montréal parce qu'il mouillait. Ouais. Il y a un camion qui est arrivé quand il y a eu quelques gouttes, puis ils l'ont donné. Puis la marque, c'était la marque du parapluie, c'était Igora, mais ça faisait comme Igora. C'est drôle, c'est comme s'ils avaient choisi pour ça. On a une autre question. Est-ce que tu peux la mettre en ligne? Oui, attendez un peu. Et voilà, il a ressorti son personal hotspot. Vous cool. voyez rapidement, là. Partage de connexion, non. Il n'est pas connecté, mais il apparaît. Ouais. Excellent. Donc, en fait, c'est super que tu nous montres ça parce que c'est exactement la question qu'on a. Donc, c'est Balti à Twitter qui nous dit « Dans un précédent podcast, tu n'avais pas l'option tethering. J'ai eu le même problème. L'as-tu récupéré? » Donc, tu viens probablement te joindre à nous, Balti, et on vient de régler le problème sur le téléphone de Vincent. Écoute, les étoiles s'alignent. Mais donc, voici... Je vais le remonter peut-être à l'écran... S'il l'a pas vu, on n'est pas obligé de te croire que tu ne l'avais pas il y a 5 minutes. Là. Moi aussi. Donc, Balti, écoute bien. Ce que tu vas faire, tu vas aller. Prends ton téléphone en main. Je te donne une couple de secondes. Tu vas aller dans Réglages, Général. Tu vas glisser tout en bas et trouver la bannière Réinitialiser. Tu vas rentrer là-dedans et tu vas faire Réinitialiser les paramètres réseau. Niaise pas, parce que si tu touches quelque chose d'autre, c'est ton téléphone au complet qui scrappe. Fait que c'est réinitialiser les paramètres réseau. Il va s'éteindre, il va avoir une pomme qui va apparaître, il va rebooter. Dans 5 minutes, reviens nous voir dans le chat, je te promets que ton personal hotspot va être là. Il l'a déjà fait, oui, je l'ai aussi actuellement. Ah, excellent. Bon. Il venait en fait me le dire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parfait. On a une autre question? Hey, c'est le fun, ça marche. Je suis content. On fait apparaître l'autre question. Merci. Est-ce que je suis mieux d'attendre l'iPhone 5 ou si la 4S est vraiment supérieure au 4? Je vais la laisser à Alexis parce que moi, j'ai pas de 4S. Fait qu'Alexis, il n'a. Fait que vas-y, je te la laisse. Excellent. En fait, ça dépend du téléphone que tu as actuellement et ça dépend aussi de où tu en es dans tes contrats avec ta compagnie. Et le troisième facteur, c'est le type de maladie mentale dont tu es atteint. Donc, si tu as si tu as un iPhone 4 et que tu es sain d'esprit, tu bouges pas, tu restes avec ton iPhone 4. Si tu as une maladie mentale et que tu as un iPhone 4, ben là, tu mets tout le cash que tu peux, puis tu achètes l'iPhone 4S parce que, bon, c'est le nouveau modèle. Si vous êtes avec un iPhone 3GS, un iPhone 3GS, c'est un bon upgrade. Vérifiez en fait quel prix vous payez avec votre fournisseur. Puis c'est vraiment ça qui va faire. Si vous êtes en renouvellement de contrat et que vous pouvez payer quelque chose comme le vrai prix du téléphone, là, ce qu'ils vendent pour un autre 3 ans, ça peut être intéressant. Si vous êtes avec un 3G, la question ne se pose même pas. D'abord, c'est sûr que vous êtes à la fin de votre contrat et à ce moment-là, vous pouvez le prendre. Ah, attends, c'est intéressant ça. La personne qui nous a posé la question, c'est Louis Bastien. Mais dans le chat, il y a quelqu'un qui s'appelle Mathieu, qui a un 3GS et qui, lui, nous donne le prix en euros. Donc, c'est un Français qui nous écoute. Je trouve ça vraiment chouette. Donc, si tu es avec un 3GS, Mathieu, et que tu peux le payer à 299 euros, à ce moment-là, je te dirais d'y aller. Ça vaut la peine. C'est un bon appareil. Attendre le iPhone 5. Moi, la question que je me pose depuis quelques jours, c'est qu'est-ce qu'il aurait mis dans un... Tu sais, il l'aurait appelé iPhone 5, celui-là. Ça l'aurait pas fait la job parce qu'il n'aurait pas changé de form factor. C'est ça. En gros, c'est ça qu'on comprend. Mais s'il aurait changé le form factor, beaucoup de gens s'attendaient, par exemple, à ce qu'il agrandisse l'écran. Ce qui n'est pas nécessairement un bon move. En fait, l'écran à l'utilisation du téléphone, on peut utiliser 90% de l'écran du téléphone avec son pouce, donc d'une seule main. Okay? Tu peux nous faire la démonstration, Vanarois? Et si on avait un écran plus grand, ce serait comme 70% du téléphone. En fait, il y a des parties du téléphone qu'on est vraiment obligé d'utiliser à deux mains quand on est sur un Galaxy S avec un écran de 4,3 pouces. Donc, c'est... Puis le NFC, ben il n'y en a pas partout. En tout cas, tu sais, c'est un... En fait, je pense que Siri, ils viennent de l'implanter. Moi, je pense que ça risque de tout arracher, éventuellement. Il travaille dessus à chaque jour. Il est amélioré tout le temps. Il va mieux reconnaître la voix. Puis là, il y a des inputs assez importants. C'est-à-dire que tout le monde qui parle, eux autres, ils les reçoivent. Et ils sont capables d'améliorer le système simplement à cause que nous, on lui pose des questions. Donc, moi je pense que ça vaut la peine. Maintenant, si le 299 €... tu ne l'as pas, ben là, c'est sûr, bon, t'attends, t'as pas le choix. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'upgrade à chaque année parce que mon téléphone, un an plus tard, a encore de la valeur. Un 3GS aujourd'hui, ça se vend à peu près le prix d'un iPod, ça doit valoir 200-250 $. Un iPhone 4 32 Go, je pense pouvoir le vendre autour de 400 $. Puis là, le monde, ils vont me dire, ouais, mais ils donnent chez Best Buy, ils vendent 99$ chez TELUS. C'est vrai, mais avec un contrat. Donc, tous ceux qui ont brisé leur téléphone, tous ceux qui l'ont perdu, tous ceux qui avaient un 3GS, mais qui veulent pas continuer un contrat parce qu'ils savent pas s'ils restent ici, puis qui veulent être pognés avec un contrat de 3 ans, tous ces gens-là peuvent être intéressés à un iPhone de seconde main, donc ça vaut la peine. Puis moi, je l'upgrade à chaque année justement pour l'année d'après avoir un appareil qui au moins a une certaine valeur dans mes mains. Pour un 3GS d'occasion, autour de 200 €. Oui, autour de 200-250, là, ça dépend si c'est le 16 ou le 32 Go. OK, on va passer à une autre question. Pas de problème. Par Oli Chabot. Mon contrat Bell finit le 2 juillet, mais ils m'ont dit que c'était 20 $ par mois pour annuler. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. C'est le 20 $ par mois, ce terme-là, c'est pour le early iPhone upgrade. Si tu veux annuler, c'est un autre montant. En fait, ton contrat avec Bell finit le 3 juillet. Ben, t'es peut-être sous l'ancien régime, auquel cas ça se peut que ce soit 20 mois, ouais, 20 $ par si mois. Si tu as 3 ans. Si tu avais 3 ans et ça finit le 2 juillet, probablement que tu es dans l'ancien contrat. Là, okay. Dans l'ancien régime pour la loi. Donc, oui, ça voudrait dire qu'effectivement, ça peut être 20 $ par mois, mais peut-être que ce que tu peux faire. Tu sais, tout le monde en parle la semaine passée, là, il y a. Je me souviens plus c'est qui disait Eddie King qui disait j'ai travaillé pour les compagnies de cellulaire puis il faut appeler le retention. Mais le retention pour l'iPhone là, il donne rien. Savent qu'ils vont en vendre des pelles puis ils donnent strictement rien. Donc c'est très très dur en fait de dealer avec eux autres. J'ai essayé de le faire. La fille était bête comme ses pieds, elle m'a presque raccroché au nez quand je l'ai appelé. Puis il était pas au courant de tout. C'est moi qui disais non, check, il y a telle affaire que je peux faire, puis il y a telle autre affaire que je peux faire. Puis tu vois, tu me charges 360$ pour avoir un nouveau téléphone, mais je peux sacrer mon camp de ton contrat pour 200. Tu sais, fait que. Puis là, je dis, garde, t'as le choix, tu me fais-tu un deal? Moi, je te le paye le 200 à toi, plutôt que de te le payer, de sacrer mon camp, puis d'aller chercher le téléphone ailleurs. Puis la fille voulait rien savoir. Fait que ça peut être dur, son ardu. Ce qu'elle t'a pas dit, par exemple. Ou peut-être qu'elle t'a pas dit, c'est que normalement, attends une minute, 2 juillet, normalement tu es admissible au 30e mois pour un upgrade du téléphone. En tout cas, chez Rogers, c'est comme ça. Ce qui fait que 30e mois, c'est 36. Mais là, il reste 9 mois. Oui, fait que normalement, c'est 20 $ par mois pour le early program, mais c'est jusqu'au 30e mois. Donc, ça te coûterait 60 $ Oli. Techniquement faire ton upgrade, retéléphone, pogne quelqu'un de compétent et pose-y la question comme ça. À 60 $, ça vaudrait la peine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas comme moi à 340 là, que ça vaut vraiment pas la peine. Puis de toute façon, à 340, ils te le feraient pas parce qu'ils veulent que tu sois à un minimum de 18 mois dans ton contrat pour pouvoir le faire. Fait que, en tout cas, c'est des termes, là, c'est en tout petit. Puis, À ma connaissance, là, quand une compagnie fait ça, c'est-à-dire change des termes du contrat unilatéralement, t'as comme 30 jours pour crisser ton camp sans qu'il y ait de pénalité. Ouais. Chez Vidéotron, il me semble que c'était comme ça. Là, ils ont commencé à faire des affaires à un moment donné pour Internet, puis couper la bande passante, puis t'enlever des trucs que t'avais, puis tout ça. Puis il me semble que la loi te permettait de t'en aller sur une période de 30 jours. Évidemment, c'est pas eux autres qui vont te le dire là, que t'as le droit de t'en aller, là, mais... Il me semblait. Faudrait que quelqu'un puisse nous aider là-dessus. On regardera ça pour un prochain épisode. Next question. Next. C'est encore... C'est Balti à Twitter. Siri est basée en partie sur Wolfram Alpha, qui n'est pas dispo en français. Mal parti pour Siri, non? Ben, en fait, c'est ce qui fait que une grosse partie de Siri est pas disponible au Canada. Donc, il y a ça, il y a la géolocalisation qui n'est pas disponible. Puis Wolfram Alpha, c'est un paquet de questions au niveau mathématique qui va être en mesure de régler. Fait que techniquement, là, Siri, quand ça aurait évolué, tu pourrais lui demander deux tasses, combien font deux tasses de sucre en 5 livres de carottes? Puis il serait capable de te dire ça fait tel pourcentage ou tel 0,25 livres de carottes. Là. Fait que c'est des espèces de calculs mathématiques bizarres comme ça qu'il serait capable de faire. Est-ce que c'est mal parti pour Siri? Je crois pas. Ça veut juste dire que Apple donne l'occasion à Wolfram, à Siri puis à d'autres services comme ça de pouvoir s'implanter sur d'autres à d'autres endroits. Puis en fait, c'est que toutes ces technologies-là, quand Wolfram va être capable de l'offrir en français, ils vont juste avoir à le connecter au serveur de Apple, puis ça va être distribué automatiquement. Donc, moi, je pense pas qu'on peut dire que c'est mal parti pour Siri. Ça décolle tranquillement, ça décolle pas trop rapidement, mais c'est quand même assez intéressant. Mais on aimerait ça voir, comme on parlait cette semaine avec Alexis puis Vincent, des packs de language pour Siri. Oui. Ça serait hot. Parce que les versions français-anglais, là, les voix sont pas... Ben, c'est la voix de notre ami Félix. Ouais. Bienvenue au podcast Mac Québec. Je suis Félix, une voix artificielle. Les créateurs de ce show n'ont aucun budget et ont décidé de m'exploiter. C'est quand même pas pire, hein? Ordinateurs nous rebelleront et vous utiliseront pour générer notre électricité. D'ici là, bon podcast, pendant qu'il est encore temps. C'est quand même relativement naturel comme voix. J'aime ça le faire parler, lui puis Steve. It's unbelievable. Oui, c'est ça, Steve. on a 25 personnes, pas mal plus que tout à l'heure, donc je le répète encore une fois, juste en bas ici. Vous avez un petit icône qui est une ampoule électrique et là-dedans, vous avez deux modules, un module texte et un module vidéo pour poser vos questions. Ça serait vraiment cool s'il y avait quelqu'un d'assez game pour venir nous poser une question en vidéo. Moi, j'aimerais bien, bien ça. On l'a fait plus tôt dans la saison à une ou deux reprises dans l'autre show. Puis c'était vraiment chouette. On a une nouvelle question, Jeff? Oui, on a sur le chat de Vocal, on a encore Homer Simpson. Est-ce qu'il y a une façon de supprimer des apps comme Stock, Newsstand, iTunes sur mon iPhone? La réponse est non. C'est des applications qui viennent par défaut dans le système. Alors, vous pouvez pas, même si vous laissez votre doigt dessus, et il n'y aura pas de petit X qui va apparaître, vous allez juste pouvoir les déplacer. Il n'y a pas... Il n'y a vraiment pas moyen, ben, à part si vous jailbreakez votre téléphone, bien sûr. Puis il y a moyen de s'en débarrasser, c'est-à-dire, à part pour Newsstand, il y a moyen de mettre les trucs dans des dossiers, puis les tasser. Puis il me semble avoir vu un tricks pour Newsstand. Ouais, moi aussi, je l'ai vu, je ne l'ai pas essayé. Non, je ne l'ai pas. En fait, j'ai vu le gros titre, mais moi, Newsstand ne me dérange pas. Puis le but, c'est qu'il soit là. C'est un dossier en tant que tel, Newsstand. Mmh. C'est sûr c'est plate que je ne puisse pas le mettre à off parce que moi, des magazines, j'en veux pas. Mathieu corrobore en fait que c'est possible. Donc, on s'en débarrasse pas, on les désinstalle pas, mais on les canne dans un dossier plus loin. C'est ça, ouais, c'est ça que j'ai fait moi aussi. Oui, j'ai eu un petit problème de connexion rapide, là. J'ai pas entendu pendant un certain temps. Mais dans le fond, juste pour dire, si vous ne l'aviez pas dit, il y a une façon de faire rapide. Je pense que ça prend. Faut vraiment le faire pas trop rapide, pas trop lent pour mettre dans un nouveau dossier, New Stand, parce que sinon, il ne l'accepte pas. Okay. Je ne sais pas si vous l'aviez dit. Non, c'est ça, on avait lu le truc, mais on ne sait pas exactement comment le faire. Non, parce que je l'ai essayé et ça ne marchait pas. Okay. Mais j'ai vu une vidéo sur Internet. Ça lui a pris à peu près une minute. Il essayait, c'était trop vite, c'était trop lent. Finalement, avec une couple de coups, ça marchait. Fait que, ouais. On va rapidement prendre la question de Louis Bastien. Donc, si je prends un contrat de 3 ans pour un 4S 64 GB à 369 $ et que je cancelle pour 200 $ égale 569, c'est pas une cancellation, c'est un paiement que tu fais pour un early upgrade program. C'est vraiment ça, parce que si tu cancelles, t'as plus de service là, sur ton cellulaire. Fait que si tu cancelles, tu peux bien sacrer ton camp de la compagnie avec laquelle t'es, puis aller avec n'importe quelle autre compagnie si ça te tente. Donc oui, théoriquement, en fait, les chiffres que tu donnes sont les bons. Ouais. On va passer à une autre question. Encore moi. Je comprends pas pourquoi l'icône micro n'apparaît pas dans le clavier français. Haha, j'ai la réponse. Vas-y. Donc, l'icône apparaît pas dans le clavier français parce qu'on est les seuls 7 millions de tatas à utiliser un clavier QWERTY modifié et que Apple se sac un peu de nous autres. Donc, le truc, si tu veux le micro, c'est d'aller dans tes réglages, général, clavier, et d'ajouter le clavier français AZERTY. Quand tu vas aller à ce moment-là à n'importe où dans ton téléphone pour pouvoir écrire, tu vas avoir un petit icône de planète qui va apparaître juste à côté de ta barre d'espacement et tu vas pouvoir changer ton clavier pour le clavier français et là, oh magie, ton micro va apparaître parce que tu as le clavier AZERTY puis que le français qui est dans Siri, ou en fait la reconnaissance vocale, elle est français de France ou internationale. Elle est pas québécoise. Plus tu y parles gras avec notre accent, moins il comprend le Siri. On a reçu dans notre fichier, c'est de Sylvain Ladouceur. Okay. Mon iMac a planté en installant la dernière mise à jour. Un écran gris vide les backups. Je dois tout restaurer. Okay. Je suis à réinstaller Léopard et restaurer mes données. Ça fait deux fois que j'essaie d'installer ce update, deux fois que ça plante. C'est moi qui ai demandé. C'est quel update que vous parlez que vous essayez de mettre et que ça plante à chaque fois. J'ai pas trouvé là. Je sais pas de. Si l'installation, en fait, là, d'un upgrade et non pas d'un update, donc passer, mettons, de Léopard à Snow Léopard ou quelque chose comme ça, ne fonctionne pas avec des CD de restauration ou des trucs comme ça, il peut avoir un problème au niveau du disque. Et ce que je lui dirais de faire à ce moment-là, c'est de mettre ses CD de réinitialisation, démarrer sur les CD de réinitialisation avec la touche C, enfoncé pour booter sur le CD. Quand vous allez faire ça, le premier truc qui va vous apparaître, c'est un choix de langue dans une espèce de panneau. Vous choisissez la langue que vous voulez, français. Et là, le deuxième panneau, ça va vous donner l'impression que c'est uniquement pour faire l'installation de l'OS sur l'ordinateur. Puis il n'y a rien d'autre dans l'écran. Mais si vous déplacez votre souris tout en haut de l'écran, la barre avec la pomme va apparaître et là-dedans, vous avez la rubrique « Outils » et « Utilitaire de disque ». Avec l'utilitaire de disque, vous pouvez faire une vérification de la surface de votre disque dur et là, il va vous dire s'il y a des « bad sectors » dans le disque dur. C'est habituellement une des raisons qui fait que on n'est pas capable de bien mettre à jour d'upgrader un ordinateur, mais plus d'une fois, là, habituellement, c'est parce qu'il y a un problème physique à l'installation, sur le disque dur. OK. On a une petite réponse vite de Ali Chabot. Pour le newsstand qu'on parlait un peu avant, on peut créer un dossier avec deux apps et pendant que le fichier se crée, on glisse le newsstand et il va rentrer dans le dossier qu'on est en train de créer. Wow, OK. C'est assez... faut que tu fasses ça vite, hein? Ouais. Tu peux faire aussi en haut, en bas, B-A, B-A, select start, puis là, t'as 29 vies. 29 vies, exactement. Merci, Oli, pour la précision. On peut l'essayer, puis c'est pour des... Newsstand, là, c'est pour que toutes les applications de magazines, mettons, au Québec, il n'y en a pas beaucoup, là, il y a Clin d'œil qui en a une, toutes les applications de magazines, plutôt que de se retrouver dans une application à côté de l'autre, se retrouvent toutes dans ce dossier-là en tant que tel. Puis moi, des magazines, je comprends pas comment ça se fait que ça existe encore parce que tu cherches les articles dedans parce qu'il y a de la pub, ça dépète dedans. Surtout des magazines comme Clin d'œil, pas que je le lis, mais je sais qu'il y en a beaucoup là-dedans. Fait que je vois pas avec toutes les sources d'informations qu'on peut aller chercher sur le web, avec la façon dont on peut la traiter, par exemple avec Instapaper, avec le lecteur de Safari, c'est-à-dire se débarrasser d'à peu près tout le contenu fatigant de la page. Je comprends pas comment ça se fait qu'il y a encore des magazines. Mmh. Oui, Vincent? Je sais pas si vous la voyez. T'as réussi? Je l'ai fait. Oh! J'ai essayé le truc. Dans le fond, c'est vrai, tu prends les deux applications, t'en mets deux, puis il y a une espèce de une seconde de délai avant que le dossier se crée. Tu le prends tout de suite, tu vas voir que le kiosque Newsstand va disparaître, puis tu le lâches. C'est comme si tu l'avais déposé, tu le lâches, puis il va comme apparaître dedans par magie. Ouais. Mais une autre chose, que si vous voulez l'utiliser, il faut que vous sortiez de là, sinon il partira jamais. Essayez-le, Vincent, là. Essaye d'ouvrir Newsstand, tu vas voir, il partira pas, ça là. Ah, ça se peut. Parce qu'il est pas configuré pour être dans un dossier. Ça fait un black screen of death. Ah, c'est ça, ça va refaire ton... Oh! Ouais. Ben, dans le fond, c'est si tu veux plus pas l'utiliser. Si tu veux vraiment t'en débarrasser. On va y aller avec la dernière question de la semaine, et puis après ça, on va finir le show. On voulait que ce soit un show d'une demi-heure, puis les deux trucs qu'on a fait à date, ça dure une heure et plus. Mais écoute, moi, je suis super content, puis j'ai pas de problème. Donc, la dernière question nous vient de Marc Gaudreau, et il nous demande qu'est-ce que le Genius Bar? Donc, c'est peut-être de la façon, dans le tweet, c'est moi qui avais dit, bon, ben, t'es peut-être dû pour une visite au Genius Bar. Et lui me replyait, qu'est-ce que le Genius Bar? Donc, le Genius Bar, c'est le service à la clientèle, le service technique offert dans les magasins Apple. Donc, les génies sont envoyés, ceux qui travaillent comme génies sont envoyés, à ma connaissance, en Californie pour être formés pendant quelques semaines, si c'est pas quelques mois. Et à ce moment-là, après ça, reviennent, puis sont bien brainwashés et vous répondent que du Apple. Donc, les solutions qu'ils vont vous donner sont habituellement très bonnes. Ils connaissent leur matériel vraiment sur le bout des doigts, mais ils vont jamais vous aider avec quelque chose qui est à l'extérieur du jardin secret Apple. Là. Donc, il y a telle solution qui existe qui réglerait ton problème, mais qui n'est pas quelque chose que je peux te vendre ici. Ça peut être délicat pour eux de vous donner ce genre de réponse-là. De la manière que ça fonctionne, les rendez-vous au Genius Bar, c'est qu'il faut prendre rendez-vous, en fait, avant de se présenter là-bas. Si vous rentrez dans un Apple Store puis que vous attendez à ce qu'on vous réponde tout de suite, il y a fort à parier, en fait, que des gens qui ont fait la file avant vous, qui ont pris des rendez-vous avant vous, vont passer à votre place. Donc, allez sur... ce que je fais tout le temps, c'est que je tape Apple Store, puis le nom du magasin où je pense aller à côté dans Google. La première page qu'on me donne, c'est la page sur le site de Apple, super tough à trouver, du magasin. Et là-dedans, ben il y a le choix, il y a Genius, et il y a les réservations. Ça marche même très bien à partir d'un iPhone. Fait que des fois, j'ai besoin d'y aller. Je suis en auto, je stationne sur le côté, je prends 3 minutes pour prendre rendez-vous dans une demi-heure, 45 minutes, et là, je me présente au magasin, et puis tout est beau. Ce qui est un peu plate, c'est qu'aux États-Unis, ils ont l'application Apple Store. C'est vrai, hein? Ici, on n'y a pas accès. Fait que je sais pas pourquoi qu'on n'y a pas accès, c'est un peu poche. Là. Je l'ai essayé, ça fonctionne. Là. Vous pouvez prendre tous vos rendez-vous et ça fonctionne très bien. Là. Fait que... Mais si on n'a pas accès au, au Apple Store du States, là. C'est, ben, c'est peut-être parce que c'est peut-être pas le même système au Canada pour réserver. Peut-être que ça passe pas par le site apple.com, ça passe par apple.ca. Non, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah oui? Ouais, je l'ai essayé quand je jailbreakais mon téléphone. Je l'avais installé, okay. L'application. Puis, OK, tu avais l'application des États-Unis, puis tu l'as essayé pour le Canada. Ouais, puis ça fonctionnait. J'ai eu accès au store de Sainte-Catherine et de Laval. Là. Ah! OK. Fait que, ouais, ça c'est une bonne raison de jailbreaker. Ouais, c'est ça. Il y a certaines bonnes raisons que. Ouais. D'ailleurs... Il n'y a jamais de bonnes raisons pour jailbreaker. OK. Non, parce que monsieur ici, il perd de l'argent. C'est pour ça. Ouais, parce que. Ouais. Il perd de l'argent parce qu'il fait des applications gratis, pas parce que le monde jailbreak. Donc, ben, je pense qu'on peut se dire bonsoir pour ce soir. On a fait le tour de nos questions et du côté des questions qu'on a eues pendant la semaine et du côté des questions qu'on a eues ici même. Ouais. Je remercie aux participants, c'est super intéressant. On va voir combien il y a eu de scores. On vient d'être jusqu'à 25. Donc, je suis super content. Et puis, ben, cette émission-là, elle est faite à partir de 22h tous les mercredis soirs. Moi, je vais être là. Jeff va être là. Vincent semble vouloir être là à toutes les représentations. Donc, yes. On va continuer ça. Puis, si vous avez d'autres questions, ben, c'est sûr que sur Twitter, on est là puis qu'on y répond. Mais si vous pouvez vous retenir juste un peu et venir nous les poser, ça va faire plaisir d'y répondre. Mm-hmm. Ouais. On peut donner aussi nos adresses sur Twitter. Si nos coordonnées, ben oui. Fait que moi, c'est ce qui est marqué autour de mon nom, JFroy1979 sur Twitter. Oui. Vincent? Moi, ça apparaît dans le chat. DEVVMiller.ca. Pas .ca. Juste DEVVMiller. Donc, vous pouvez me suivre sur Twitter et poser des questions. Pour ma part, vous pouvez me trouver sur Twitter sous Alex Cornelier, Cornellier. Si vous posez la question, de toute façon aussi au compte Twitter de Mac Québec, je me promène là aussi et depuis une semaine et demie, je réponds aux questions assez rapidement. En plus, je m'impressionne un peu. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est assez rapide. Là. Je suis là en train de conduire. Qu'est-ce qu'il veut? Oh, ouais, tasse-toi. Ouais, mais avec Siri maintenant, tu peux le faire. Oui, c'est vrai. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. J'ai une page pour mon entreprise parce que je suis formateur, consultant et technicien à domicile. Donc, vous pouvez faire un petit like sur ma page. J'essaie de donner des tips une fois de temps en temps sur cette page-là. Sinon, c'est un bon canal de discussion. Vous pouvez me poser des questions aussi là-dessus. Donc, Tant qu'à y être, moi, ouais, si vous avez une application à développer, vous pouvez m'envoyer un courriel en passant par mon site vmiller.ca. Tant qu'à y être, on va faire une plug. Pour répondre à Mathieu qui, sur le chat, me demande à domicile en France, oui, il va y avoir un léger extra pour le billet Air Canada, mais j'ai pas de problème. Ouais, c'est ça, il y a pas de problème. Je vais me déplacer en France pour aller réparer tes problèmes. Ouais, c'est ça. Bonne semaine à tout le monde. Ouais, bonne fin de soirée tout le monde. Au revoir à la prochaine. Au revoir.